un truc, gros, je sais pas si t'as capté. Le prochain invité n'est plus à présenter. Le prochain que je mange, je le bouffe sans le mâcher. Je le chope, disparaît par magie. Négro, toto à ma vie. Négro, toto à chérie. Personne à gérer. Négro, fais pas des chichis. Négro, Wastaman Fushi, clair. Tout dans les yogi. Lionzo, on fait de la magie. Lionzo a bougé la marquise. Il sort des phases jazz pour toucher des pupilles. Amène ton fils, amène nos fils. Elle fait la belle tous les soirs, elle s'est fistée. Parle à nos fils, parle à ton fils. Sinon, je vais le gifler. Ya, parle à Dashiki, remets gasoline. Comme un chotage, te chute. Je veux faire plein de dîners roses. J'ai envie d'être léger. Approchez pas sa biche, un gros chèque pour l'équipe. Minnesota, jamais t'avais sauté autant. Le dos tourné, Lions ont déjà tenté dessous. Toi t'as souffert, c'est pas toi qui mérite la palme. T'as pas même mis ici, c'est moi qui cause ta gamme. En vrai, c'est deux, crois-moi, je vais pas te manquer. Si je me barre ou si je te vise, je vais pas éveiller tout le monde non plus. Oh, Snowflow, n'en parlons plus. Oh. Y'a des chicots et des bars, un mon son qui passe. Là je m'en bats les gars, c'est mon son qui passe, ils s'en bats les gars. J'suis défoncé, bitch enchanté. Dans la ligne, c'est pour me concentrer. Enfant putain, qui t'a enfanté? Des enfants putain ou des consanguins? J'achète et je vends négro deux en un. Toi t'as pas ta place dans le championnat. J'suis comme un Elka, j'suis comme Cantona. J'suis comme un fantôme, j'suis ton fantomas. J'vais compter le millicage, que des diamants véritables. Marque leur temps au Véleda. Mon équipe passe et les phases. À l'école du crime, j'étais bon élève. Avec Swally, le bloc on tenait. J'ai toujours du job comme un proxénète. J'ai toujours de la drogue comme un container. Oh yeah. J'ai pas le genre à voter, j'suis pas un homme affolé. Et viens pas me causer, quand j'suis dans trap causé. J'consomme la molly, j'me sens comme Broly. C'est chiant manger frolique, ma vie un ego trip. Sacré comme relique, j'ai craché comme brolique. Nazi comme bolide.